بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بإذن الله اليوم سنكمل هذا القسم الذي هو قسم التوحيد والعقيدة بإذن الله تعالى بهاتين مسألتين الأخيرتين. Donc là, on va terminer, inshallah, aujourd'hui la partie qui concerne de ce livre qui était divisé en deux, qui est la partie du tawhid de la aqidah, en finissant avec ces deux questions. Et par la suite, biznillah ta'ala, nous allons entreprendre de lire la lecture, nous allons entreprendre la lecture dans la deuxième partie qui elle concerne le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, yani l'ahkam al-amaliyya. Donc là on finit avec ces deux questions qui sont al-mas'ala التاسع وأربعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فإذا قيل ما حكم الحزبية؟ فقل: الحزبية حرام إلا حزب الله. والدليل قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة أي فلقة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي ولو شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه. أخرجه أبو داود وأحمد ولو شواهد أخرى فالحديث حسن. وقوله كلها في النار فيه بيان حال الأهواء وجرحهم. Donc le shir est dit dans la 49e question, s'il est dit, quel est le jugement du sectarisme, l'esprit de parti? Dit, cela est haram, est illicite, hormis le hizb d'Allah, le parti d'Allah. Et la parole, et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, ne soyez pas du nombre des associateurs, ceux qui ont divisé leur religion, et été en partie. Chaque parti était heureux de ce qu'il contenait, se réjouissait de ce qu'il avait. Et sa parole dans le sens où il dit, et accrochez-vous tous à la religion d'Allah et ne vous divisez pas. Et sa parole dans le sens où il dit, certes, cette communauté est une seule communauté et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et sa parole, n'est-ce pas que le parti d'Allah, ce sont eux qui réussiront, les victorieux. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, qu'il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté se divisera en 73 sectes. Elles seront toutes au feu à part une. Ils dirent, ô messager d'Allah, et quelle est-elle? Il dit, ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Rapporté par Tirmidhi. Et ce hadith a d'autres hadiths qui en témoignent dans le sens, rapporté par Muawiyah, ou du moins selon Muawiyah, rapporté par Abu Daoud, et également d'autres rapportés par Ahmed. Donc le hadith est jugé comme étant bon, hassan. Et sa parole, toutes sont au feu. Cette parole-là, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, démontre la permission, justement, d'exposer la situation des gens des passions et de les critiquer. Donc là, il parle de la hizbiya en soi. La hizbiya qui est l'esprit de parti. Et la hizbiya, elle a été définie comme étant al-wala wal-bara al-dayyiq. C'est l'alliance et le désaveu étroit. C'est-à-dire que on s'allie et on se désavoue pour autre que la vérité. Ça peut être pour une idéologie, ça peut être pour une personne, ça peut être pour un lieu, ça peut être pour différentes choses. Une alliance et un désaveu qui ne sont pas basés sur le livre de la Sunna. Et comme on le voit par exemple dans les partis politiques, ils s'allient sur une idée. Par exemple, tel parti politique, eux prônent pour telle et telle idéologie. Donc ils s'assemblent tous ensemble autour de cela, pour que leur parti aille de l'avant. Et tous les partis qui s'opposent à leur parti sont leurs ennemis, car ils leur empêchent d'atteindre leur but. Avant. Et le sens de Hizbullah, le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Shawkani, dans son tafsir, il dit Hizbullah, جنده الذين يتمثلون أوامره. C'est-à-dire, ils sont ses troupes, ceux qui obéissent à ses ordres. Donc là, le Hizbullah, c'est s'allier et se désavouer pour Allah. Comme on l'a pris dans les douloureux précédents, un amour pour Allah et une animosité pour Allah. On donne pour Allah et on prive pour Allah. Et tous ceux qui agissent de la sorte pour autre que pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour la religion, tombent dans la hizbiya. Aussi apparentes que puissent être leurs actions, des fois, elles peuvent être basées comme étant correctes. Cependant, leur intention n'est pas Allah et son messager, donc ça va amener à des débordements qui, par la suite, amèneront à des transgressions dans leurs actes. Donc la hizbiya, c'est une chose qui est très dangereuse. Et à la base, cette hizbiya, on la trouve chez tous les mubtadi'a, les gens de l'innovation, ils ont tous ça, ils s'allient, ils se désavouent pour leur innovation, en général. Et Cheikh Mokbil, rahimahullah ta'ala, a dit que les piliers de la hizbiya sont les trois. Al-Kadhib, Al-Talbis, ou Al-Khada'a. C'est le mensonge, la tromperie, et on va dire, la tricherie, en quelque sorte. Que tout hizbi est amené à agir avec l'un de ces trois piliers. Il va mentir, il va tromper, il va tricher. Et on a ce qu'on appelle aujourd'hui al-hizbiya al-mughallafa. C'est l'hizbiya camouflé, c'est-à-dire des gens qui sont sous l'apparence de sunni salafi et qui ont dans ce cœur cette maladie. De s'unir sur une chose. Des fois, ce sont leurs propres personnes. Il faut que tu aimes, que tu les testes pour eux. Ou des fois pour leur mosquée. Ou des fois pour leur association. Ou des fois pour leur shayr. Ou des fois pour ceci ou cela. Tu les vois à tenir un discours, comme le discours du salafi en apparent, mais dans leur cœur, il y a des maladies qui font qu'ils s'avouent, ils se désavouent et s'allient pour une chose qui n'aurait pas obligatoire. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas obligés de nous désavouer, de nous allier pour cela. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils s'avouent, et quand ils s'allient, se désavouent pour une chose autre que pour le kitab la sunna, tu vas les voir fermer les yeux sur les erreurs de ceux qui sont avec eux, et faire l'éloge ou s'allier à des gens qui ont des erreurs. Pourquoi ? Car leur but est un. S'unir sur une même chose. Donc de là, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle des concessions. Si tu es avec moi, tu es mon allié. Si tu es d'accord avec moi, tu es mon allié, quoi que tu fasses. Tu es contre moi, tu es mon ennemi, quoi que tu fasses. Je te fais le hajj, je te boycotte, je me mets en garde contre toi, même si je n'ai rien, je trouve quelque chose. Et l'autre, pareil. Tu as des erreurs, je trouve une façon de les camoufler, de t'excuser et de faire en sorte que les gens t'aiment et de faire ton éloge. Et ça, c'est une maladie qui est extrêmement propagée aujourd'hui et c'est une des choses qui est la plus dangereuse parmi les salafis. On as'al Allah an yahfazana wa yakum min hadha al-bala. Donc on a aujourd'hui aussi ce qu'on appelle les partis politiques qui sont sur le même procédé, sauf qu'eux déclarent clairement ce qu'ils font, ce n'est pas au nom de la religion, souvent, à part certains qui se disent faire cela pour pouvoir permettre aux musulmans de récupérer leurs droits. Donc il dit on va faire un parti, on va se présenter pour être élu pour tel et tel poste, telle et telle fonction. Mais ça c'est pareil, c'est une chose que la religion n'a pas appelé à faire. Si demain on se base tous sur le kitab wa sunnah, on n'a pas besoin de parti. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a pas appelé à faire ce genre d'action pour pouvoir obtenir nos droits. Bel qal ستارون من بعد أثرا فأعطوهم حقهم واسألوا الله ما ولكم. C'est-à-dire vous allez voir ça après moi, des choses qui vont vous déplaire. C'est-à-dire par rapport au gouverneur. Qu'est-ce qu'il nous a conseillé de faire? Il a dit rendez-leur leurs droits à ces gouverneurs. Et si jamais eux ne vous le rendent pas, alors demandez à Allah votre droit. C'est-à-dire pas de révolte et pas d'actes qui amèneraient des soulèvements, ce genre de choses. Donc on voit que également ici apparaît une erreur de beaucoup de gens qui disent, comme on en a déjà parlé, qui sont contre toute forme de sectarisme. Quand on dit sectarisme, ils visent par là la hizbiya. Il y a une hizbiya qui est mahmouda, c'est celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où tu t'allies pour Allah et tu te désavoues pour Allah. C'est de la hisbiya, mais celle-ci est légiférée. Et nous sommes tous obligés d'en faire partie. C'est-à-dire un hisb qui est contre le faux, contre la mécréance, contre l'innovation, contre les égarements. Nous sommes obligés de l'être. Et comme nous avons expliqué, le muslim, le salafi, à un côté, il est sélectif. Il n'est pas ouvert à tout le monde. Il n'est pas fermé à tout le monde. Il appelle tout le monde à la vérité, cependant il ne s'allie pas à tout le monde. Il s'allie à ceux qui sont sur la droiture, sur la bonne croyance, sur le bon manhaj. Ceux-là sont ses alliés. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna waliyallahu wa salihul mu'minin. Que mon allié c'est Allah, les croyants pieux. Donc le musulman salafi ne souffre pas à tout le monde, n'écoute pas à tout le monde, ne s'allie pas à tout le monde. Et également, ne se désavoue pas de tout le monde. Tout cela revient au adillah du kitab wa sunnah. Naam. Et comme il a dit à la fin du paragraphe, ce hadith, dit 73 sectes, ce hadith est parmi les nombreuses preuves démontrant qu'il est permis de critiquer les gens des égarements, les gens des passions. Car des gens disent... L'honneur du musulman est sacré, on n'a pas le droit de parler ni de le bafouer. On dit c'est vrai, c'est la base. Ce sont basés sur des preuves générales. Cependant, il y a des gens, des exceptions, des cafés où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur des gens et les a critiqués. Pour, en guise de conseil pour la Ummah, pour ne pas suivre leurs traces. Et faire attention à leurs égarements, car ces gens-là, avec leurs idéologies et leurs innovations, te sortiront de la droiture et t'exposent au feu. Donc il est un devoir et une obligation pour toi de conseiller les gens et de démontrer leur mal. بعد هذا قال في المسألة الخمسين فإذا قيل لك من أضل الفرق التي تدعي الإسلام فقل هم الباطنية والرافضة والجهمية وغلاة الصوفية. Donc de la cinquantième question, il dit s'il te dit quels sont les sectes les plus égarés qui prétendent l'islam. Dit, ce sont les Batiniyah, les Rafidah, les Jahmiyah et les exagérateurs extrémistes des Soufiyah, les Soufis. Donc là, il soulève une question qui est que dans cette communauté, des gens s'apparentent à l'islam. Mais en réalité, ils n'en font pas partie. Ce sont ce qu'on appelle des Anadika. Des Anadika, Azindik, nous l'avons souvent dit, c'est un Munafiq. C'est quelqu'un qui laisse apparaître une chose qui en cache une autre. Ces gens-là parlent au nom de l'islam, mais au fond d'eux renferment le kufr, la mécréance. Et la différence entre le munafiq et le zindiq, parmi ce qui a été cité, c'est que le munafiq, lui, il renie Allah et son messager au fond de lui, n'y croit pas, ou les rejette, mais en apparence fait comme s'il était soumis. Le zindiq, lui, la différence, c'est qu'il reconnaît la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais au fond de lui, il n'accepte pas. Il veut la changer. Mais au fond de lui, il reconnaît. Il croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une croyance qui est erronée, qui est fausse. Donc ces gens-là sont des anadika. Car ils viennent détruire l'islam au nom de l'islam. Donc ils sont des sectes. Mais ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Et ces sectes-là sont les plus égarés qui existent parmi les gens qui s'apparentent de l'islam. Donc, Al-Batiniya, c'est une secte qui, eux, parmi leurs particularités, interprètent l'apparent des textes par des choses cachées. C'est-à-dire, un texte du Coran, ils vont le sortir de son contexte. Ils vont dire que toute chose est interprétable. Par la suite, amener à cela, à ne pas appliquer la religion. Ils vont prendre tel et tel verset, par exemple, parmi les versets qu'ils détournent de leur sens, les versets qui appellent à faire le Hajj. Et bien eux, ils interprètent ces versets de faire le Hajj, d'aller vers leur mashayikh, de se rendre auprès de leur mashayikh. À la place de la Kaaba et du Hajj, tu vas vers leur mashayikh. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Tous les versets, ils disent, il y a un sens caché que tu ne connais pas. Et par cela, ils viennent annuler les règles de l'islam. Et on peut les appeler aussi Al-Batiniya, ou Al-Karamita, ou Al-Nusayriya. Ils ont plusieurs noms, mais ils se regroupent autour de plusieurs points similaires. Et les gens parmi ceux qui les historiens de l'islam, dans leur livre, citent que ceux qui ont posé les fondations de cette secte, Batiniya, ce sont les fils des Majus. Les Majus sont ceux qui adorent le feu et qui disent qu'il y a deux créateurs, deux seigneurs, la lumière et les ténèbres. Donc ces gens-là, qui à la base étaient encore, qui avaient un penchant pour la religion de leurs parents, ont été obligés de se soumettre à l'islam par peur des musulmans car ils avaient pris le dessus sur eux. Donc ils ont fait comme les munafiqoun, ils ont fait apparaître l'islam au fond d'eux, ils cachaient encore ce qu'ils avaient dans leur cœur, c'est-à-dire l'amour pour la religion de leurs ancêtres. Ils ne faisaient apparaître l'islam que par peur. Comme ce fut le cas des munafiqoun à Médina. Lorsqu'ils ont vu les musulmans arriver et prendre le dessus, ils se sont soumis en apparence, mais au fond d'eux, mécroyaient et souhaitaient la mort des musulmans. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit à propos de cette secte, « Hum akfaru min al-Yahudi wa al-Nasara » Ils sont encore plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Un rafida, c'est une secte, à la base, qui tient ses bases du tashayyu'a, ce qu'on appelle le chiisme. Ce sont les extrémistes parmi les shi'a. Shi'a, c'est des chiites. En arabe, on dit shi'a. C'est une secte qui est apparue à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et celui qui a fondé cette secte, à la base, c'est Abdullah ibn Saba. C'était un juif qui a prétendu aimer les gens de la maison prophétique, Ahl al-Bayt, et exagérer sur eux, à tel point qu'il en a même fait de Ali une divinité, en disant « tu es Allah ». Et il avait des suiveurs avec lui. Il a attribué à Ali les sifat de la divinité et de la seigneurie. Donc Ali les a combattus, les a brûlés. Ce fut une erreur de Ali, radiallahu anhu. Ibn Abbas a réprimandé cette acte car il n'est pas permis de brûler des gens. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'azib bin nar, illa rabbun nar ». Personne ne châtie par le feu si ce n'est le seigneur du feu. Des hadiths sont venus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il voulait brûler des gens, comme ceux par exemple qui ne faisaient pas la salat en groupe, ou d'autres, mais après cela a été abrogé. Cela a été abrogé par ce hadith. À la kullin, shahid de cela, c'est que cette secte à la base provient d'un juif. Et ils sont plusieurs sectes eux-mêmes. D'accord? Ils sont plusieurs sectes eux-mêmes. Et il a été dit également que leur début fut lorsqu'ils se rendirent auprès de Zayd ibn Ali ibn Hussein, ils lui ont dit « Innocente-toi de Abu Bakr et de Omar, afin que nous soyons avec toi. » Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Comment? Ce sont les compagnons de mon grand-père, ses alliés. » Ils ont dit donc « Nous te refusons. » Car « Rafaza »,« Rafaza », ça veut dire du mot « Rafaza ».« Rafaza » en arabe, ça veut dire « refuser, rejeter une chose. » Donc ils ont été appelés « Rafaza ». Et ces Rafida sont des kuffars. Ils mentent sur le Coran, ils le diffament, ils disent qu'il est manquant, qu'il est réduit, qu'il n'est pas complet. Ils adorent Ali, ils rendent mécréants presque tous les Sahaba et à leur tête Abu Bakr et Omar qui sont les pires pour eux. Ils insultent Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, et l'accusent justement de fornication. Et autres aussi parmi les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils insultent Jibril, alayhi salam. Donc cette secte-là sont parmi les sectes les plus dangereuses et les plus égarées et les plus mécréantes qui existent sur Terre à ce jour. Puis, Al-Jahmiyyah, c'est une secte qui s'apparente à Jahm ibn Safwan. Et qui lui-même, Jahm ibn Safwan, a pris ses idéologies de son professeur qui en réalité est Jahm ibn Dirham. Jahm ibn Safwan n'est que celui qui a fait apparaître la chose, mais en vrai n'est pas le précurseur de cette idéologie. Et eux, parmi leurs croyances, principale croyance, qu'ils annulent tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils disent que cela le fait ressembler à sa créature. Et ils refusent tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces noms, ils les refusent. Donc en fait, ils adorent le néant. Et dans le qadar, dans la foi au destin, ils sont Jibriya. Les Jibriya sont ceux qui disent que le serviteur est contraint de faire ce qu'il fait. Il est comme une marionnette. Tout ce qu'il fait ne fait pas de lui-même. Quoi qu'il fasse, il est excusé. D'accord? Quoi qu'il fasse, c'est ça les Jibriya. Et dans la foi, leurs croyances, ce sont des Murji'a. Des Murji'a. Mais les Murji'a sont de différentes catégories et eux sont la pire. Ceux qui disent qu'il suffit de reconnaître Allah pour faire de toi un croyant. C'est tout. Si tu reconnais Allah, al-ma'rifa, ça fait de toi un croyant. Et les Jahmiyyah également disent que le Coran, il est créé. Et leur croyance, en remontant l'isnad, revient également à un juif. Même dit qu'il est celui qui aurait empoisonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, parmi les soufiyas, exagérateurs parmi les soufiyas, parmi les sectes égarées, car les soufis ne sont pas tous du même niveau. Mais parmi eux, certains ont atteint un niveau de mécréance extrême. D'accord ? À tel point qu'ils disent, ils ont pour la croyance, c'est-à-dire que Allah est dans sa création. Et ils invoquent autre que Allah, ils accordent des attributs de la seigneurie à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils adorent leur mashayikh. Et parmi eux, par exemple, il y a Ibn Arabi, ou Ibn Sab'in, ou Al-Hallaj. Tous ceux-là sont parmi les têtes des exagérateurs des soufiyas. Donc comme on l'a dit, les soufiyas ne sont pas tous au même niveau. Mais ceux qui exagèrent parmi eux sont arrivés à un stade même qu'ils n'adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont parmi toutes les choses. Ils ont dit qu'ils sont les khawas, les gens privés, qu'eux n'ont plus besoin de suivre la sunna et le Coran. Qu'ils reçoivent la révélation directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le suivi du kitab wa sunna, c'est pour les awam, pas pour eux. Donc eux, ils ne font plus salat, ils ne font plus le hajj, et ils commettent même les plus grandes des turpitudes. Ils font zina, ils font de l'homosexualité, ils boivent de l'alcool. Et malgré cela, tu vois les gens les élever et les adorer même après leur mort, les invoquer dans leur tombe. Wallahazbillah. Et en dehors de cela, les soufis, quoi qu'il en soit, un minimum, c'est un innovateur avec des égarements évidents. Les soufis, c'est une secte qui est connue, malheureusement grandement propagée, qui ont énormément d'égarements dans la croyance et dans les adorations. Dame. Donc là, c'est juste en résumé, à savoir ces sectes-là sont les sectes qui sont des sectes mécréantes, mais qui s'apparentent à l'islam. On ne dit pas que tout soufi rentre dans ce jugement-là. Attention. Le Jahmi, oui. Celui qui est Rafidi, oui. Mais les soufias, on vise principalement les exagérateurs parmi eux. Ceux qui sont trop exagérés, au point qu'ils ont sorti de l'islam. Et c'est pour cela que les machaires, en général, disent qu'il ne faut pas faire salat derrière les soufis, car tu ne sais pas à qui tu as affaire. D'accord ? Si demain tu vas à une salat, en jama'a avec l'imam c'est un soufi, ne fais pas salat derrière lui. Car tu ne sais pas quel genre de soufi tu as affaire. Al-Bim Beb, Dharma Yarebouk et Lema Yarebouk. Délaisse ce qui te fait douter pour ce dont tu es sûr. Et beaucoup, beaucoup de soufias ont cela comme croyance en eux. Donc de là, alhamdoulillah, nous avons fini cette partie-là qui concernait la Aqida al-Tawhid. Ce sont que des prémices, comme on avait expliqué, des choses simples, mais essentielles et importantes à connaître. Donc nous conseillons fortement à ceux qui écoutaient Dulus de bien méditer surtout sur les adillah, les preuves citées. Elles sont simples, car comme on l'a expliqué, le livre était pu être plus élargi, le chiffre peut dire plus de choses, mais son but c'est que le livre soit mémorisé et compris. Et même en explication, le livre en lui-même, il est simple. Le shir dit la question, il donne la réponse, il donne la preuve. Et comment expliquer celui qui a compris cela ? Fawa fi khayrin azim jiddan. Il est sur un très très très grand bien. Bizna ta'ala. Et ne pas se sous-estimer, dire ça, c'est un livre pour débutants ou petits. Non, car les ulama, ils commencent par cela. Sirar lil ulum, comme le kibariha. Les sciences petites avant les grandes. Et après, on avance par échelon, au fur et à mesure. Et tu verras des gens te faire apparaître comme s'ils avaient des grandes connaissances. Et ces choses aussi simples que celles-ci ne connaissent pas, ou pas beaucoup, malheureusement. Donc c'est comme une maison que tu construis avec des bonnes fondations. Tu fais d'abord les fondations, ainsi de suite les murs porteurs, kazalika, et à la fin tu finis par la finition. Ne commence pas par faire un toit ou mettre des fenêtres alors que tu n'as même pas fait des fondations. Ta maison, elle ne va pas tenir. D'accord ? Akada. Donc et par la suite, Inch'Allah, nous poursuivrons dans le prochain cours dans Al-Masail Al-Fiqhiyya. فالحمد لله رب العالمين